Je ne suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple. Je multiplie les petits pains, je n'appelle pas chez qui il vient. On m'appelle VALD, rap de merde, j'ai allaité. Je crois que je vais jamais arrêter. Je coupe la plaquette à l'épée, plein de filtres, plein d'effets. T'as pas de rime, pas de texte, pas de string, même pas de fesses. Pas de piste, donc pas de guerre. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Comme si j'étais sorti d'HEC, sur le détecteur, la chaussette. J'ai les combos, la recette. Promis, je touche pas ta serrette. Je t'aime encore en le. Je t'aime encore en secret. Putain, j'ai le cœur sur la main. Je renifle les fleurs du malin. Chant encore l'odeur du machin. J'esquive l'heure du matin. Je sais très bien ce qui m'attend. Même t'y penses à moi si t'as le temps. Je la vois qu'une seule fois par an. Comme le prime sur le site d'action. J'ai la vue sur Tim en bas. Je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas. Des mouvements quasiment noirs. En route pour niquer des mères. Comme lundi matin, dimanche soir. N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais, ouais. Ouais ouais ouais ouais, ah ouais ouais ouais, ah ouais ouais ouais. Dans la F, dégarer mon buzz, éclater mon buzz, de faire des sondeuses, j'ai gardé son buzz. Ah ouais ouais, dans la F, dégarer mon buzz, éclater mon buzz, de faire des sondeuses, j'ai gardé son buzz. Ah ouais ouais, ah ouais ouais ouais, ouais ouais ouais ouais, ah ouais ouais ouais, ah ouais ouais ouais. NQNT comme Péritel, Sullivan rap trop spirituel. Je ne t'effrie plus everyday. Ça me rend l'esprit trop étriqué. Niquez vos mères, je vais me délivrer. Tout cet oseille, je l'ai mérité. J'ai disque d'or, j'ai pédigré. Ta gueule morte est périmée. Je peux m'arrêter, mais je continue. Pour le turn-up, je contribue. Abandonne-moi, je reconfigure. Je te laisse la chatte en confiture. Toujours un drame alors qu'on simule. On vit pas sur la même longitude. Marche à la frappe pour tes longues études. Si besoin, incroyable, mon pécule. J'arrive en balle, trafic en d'armes. Poliak of Red Bull, Miranda. Fume pas la gomme continentale. Rap plus les moines qu'ils en bas. Sale pluton t'as pris en flag. Rap saturé d'immense gare. J'mets la lumière sur bilan crade. Prochain album je 600k. J'ai la vue sur Tim en bas. Je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas. Les poumons quasiment noirs. En route pour niquer des mères. Comme lundi matin dimanche soir. N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Ah ouais ouais ouais, ouais ouais ouais ouais, ouais, ouais, ouais. Oh, wow.